la micaouette me fait la tête. Cacahuète. La petite Noé veut plus me parler. Canoë. La micao, ma micao. Cacao. La petite Ramel m'est infidèle. Me mine le moral. Cannibal. Mamselle son long me traite de con. C'est la tête. Cacahuète. Mamselle Jibi traite d'abri. Bonjour à tous, nous sommes dans le studio de Radio Gemozo pour une nouvelle émission des Ados. Tout le monde va bien? Oui. Oui, tout le monde est là aujourd'hui, avec en plus une personne qui est Marion. Marion, d'accord. Une stagiaire. Oui, eh ben attendez, elle se présentera tout à l'heure, Marion. Hein. On va déjà commencer par la chanson mystère qui avait été diffusée la dernière fois. C'était qui? Qui c'est qui l'avait choisi? Non, c'était pas Camille. C'est qui ça? Juliana. Qui c'est qui était à la radio la dernière fois avec nous? Ah, Nicolas. Voilà, c'était Nicolas qui l'avait choisi et c'était... Maroon 5 feet. C'est doux ça. Et apparemment personne n'a appelé, ça devait être trop dur. Ouais. Hein. D'ailleurs, on va profiter pour faire un petit coucou à Nicolas qui ce matin avait mis la radio pour vous écouter. Donc un bisou à Nicolas. Bisous, bisous Nicolas. Coucou. Bisous. Bisous. Voilà. Bonne chance Nicolas. Voilà, donc aujourd'hui c'est une spéciale Noël et bien sûr la chanson mystère sera une chanson de Noël. Noël, eh ben si Marc veut bien nous passer la première chanson de Noël, et on écoute. Dans son manteau rouge et blanc, sur un traîneau porté par le vent, il descendra à la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabulées? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabulées? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabulées? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Maintenant il est l'heure d'aller se coucher. Alors, vous la connaissez cette chanson? Oui. Non. Corinne, moi je la connais. Toi tu la connaissais? Tu qui au téléphone? Ok. Alors je voudrais dire quelque chose là, avant de commencer. Parce que la dernière fois, j'ai dit des bêtises à la radio. Qu'est-ce que j'ai pu dire comme bêtise? Je sais monsieur pas. Mensuel? Qu'est-ce que tu parlais de Marion? Oui, mensuel. Mensuel, oui. On a parlé de mensuel. Non. Je sais pas, moi. Tu dis que ça va pas la mercredi prochain? Non. Non, non, la dernière fois, j'ai dit que... Toi, tu m'avais demandé combien coûte la radio. Et je t'ai dit, c'est une cotisation mensuelle. Oh là là, quelle grosse erreur! C'est une cotisation annuelle à la radio et non pas mensuelle. Vous voyez, je devais déjà être un peu fatiguée la semaine dernière. Monsieur Ballon, t'as mis une droite ce moment-là. Monsieur Ballon m'a mis une droite. T'as mis ta grondée, voilà. Non, non, non, non. C'est en réécoutant chez moi que j'ai dit, oh là là, quelle bêtise que j'ai dit là. Donc, c'est une cotisation annuelle. Hein. T'as eu d'assurance que Monsieur Ballon n'a pas écouté. Ben, il a écouté, Monsieur Ballon. Hein. Corinne, c'est qui au téléphone? Ah bon, ça ne nous regarde pas. On sait jamais des fois que c'est ça. Ben, c'est pas pour la chanson, non. Ouais. Donc, on a dit qu'aujourd'hui, on avait quelqu'un avec nous. Marion, la stagiaire. Voilà. Alors, Marion, moi, j'aimerais, s'il vous plaît, on s'écoute. J'aimerais que Marion prenne bien le micro devant elle et qu'elle se présente à nos auditeurs. Qui est Marion? Je dis moi. Alors bonjour, donc je suis Marion, stagiaire en deuxième année de monitrice éducatrice, donc pour travailler en IME ou dans les foyers, dans tout ce qui touche le travail social. Voilà, donc Christopher, Marion n'est pas à l'IME parce qu'elle cherche du travail, comme tu as dit. Hein Marion, pour apprendre le métier. Voilà, elle apprend le métier au travers des stages. Courage, je stresse. Comment? Tu stresses? Mais là, on parlait de quoi, Juliana? De Marion. Voilà. Donc, Marion vous a dit pourquoi elle était à l'IME. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser à Marion? Non. Est-ce que tu aimes bien travailler à l'IME? Oui, j'aime beaucoup. On est gentil avec toi. Ça dépend les jours. Est-ce que tu fumes? Christopher, des fois tes questions. Ok, attends, je fais une question. Après, ça va être quoi? Tu bois de l'alcool, hein, c'est ça? Non. Bon, alors, hein? Oui, vas-y, Timothée. Est-ce que t'as un animal de compagnie? Oui, j'ai des poissons rouges. Oh. Est-ce que t'as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Ah, ouais. Est-ce que t'as toujours tes parents? Oui, j'ai toujours mes parents. Est-ce que. Ton mari t'aide à faire le ménage? Ça dépend les jours, ça. Est-ce que t'aimes bien faire à manger? Oui, j'aime bien Est-ce faire que à manger, Christopher. De... J'ai pas de jardin. T'aimes bien l'équipe de foot de France? Je regarde pas le foot. Est-ce que t'aimes bien le rugby? J'adore le rugby. Voilà, des mecs. Quelle équipe dessus, t'es ta préférée dans le rugby? RCT. Il y a c'est un joueur que t'aimes bien? C'est qui RCT? RCT, c'est l'équipe de Toulon. Et il y a un joueur que t'aimes bien? Je les aime bien tous. Les papis. Oh. Alors papé, c'est pas le rugby. Mais non, Mbappé joue dans le foot, oh là là. Maria, il y a des hommes qui se tapent dessus au rugby. Ils se tapent pas dessus, les gens, au rugby. Et si? Ils se dessus. Non, ils font comme ça. Ouais, oh, oh. Chut. Mais c'est quoi, ça? Il y a plus de corps à corps au rugby, hein? Ouais, Maria, Maria, je suis sûre qu'elle adore ça. Elle tue sur son compte Twitter et hop. Bon, c'est bon les questions pour Marion? Ouais. Hein? Ok. Alors, on a dit spécial Noël. Alors, là, c'était une aparté. Pas de gilet jaune? Non! Pas de gilet jaune. On l'a dit. Stop. Corinne, si tu dis spécial, c'est spécial. Bien. C'est-à-dire que c'est que du Noël. C'est que du Noël aujourd'hui. Allez, premier sujet de Noël. Qui avait lancé? Tu te rappelles, Juliana? Tu avais dit quoi? On peut parler de quoi? Que la semaine prochaine, il y a... La fête de Noël, là, le jeudi 20 décembre, à l'IME de Saint-Amélie. Voilà, est-ce que vous avez des infos? On va faire la fête. On va boire du coca. On va danser, on va manger, on va goûter. On va danser comme des fous. Bon, voilà, avec c'est bon. La musique à fond. Est-ce que c'est toi qui gères la musique? Non. C'est Marion. Marion, elle va faire le DJ. C'est moi le DJ. Ah, c'est écoutant. Est-ce que tu crois qu'elle va faire ça, Marion, avec des... J'espère que des t'es bonne en DJ. T'inquiète, attendez, on s'écoute, oui. Il va appuyer sur les boutons Marion. Hein. Elle va être comme ça, elle va danser en même temps. Il va faire comme ça et puis... Corinne, elle m'a dit elle gère. Elle gère, Marion. Ouais, elle gère. Bah oui, elle a une casquette à l'envers, comme les rappeurs. Wesh, je retiens, t'inquiète pas. Avec des baskets à la rue, voilà. À la rue, c'est quoi les baskets? On parle pas tous en même temps. C'est quoi les baskets à la rue? Des baskets pour les... la rue. Alors c'est quoi? C'est pas, c'est juste ça. Oui, mais bah, elles étaient comment les baskets à la rue? Les baskets? C'était les baskets. Pour aller dans la rue. Pour aller dans la rue. Parce que les baskets que vous avez aux pieds, vous les mettez pas dans la rue. on y va plus. Bon. Ah oui, nous voilà. Zinedine, tu ris, t'as peut-être quelque chose à dire. Il est pété. Zinedine. Ouais. Tu as quelque chose à dire, Zinedine? Oui ou non? Zinedine, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui. Ah, alors prends le micro. Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu veux nous dire? On enlève la main devant la bouche, voilà. Et petit, il a les cassettes par... Oh. Le petit? On va casser le micro. Fuyez les gens. Elle va crier. Sans. Christopher. Je sens. Tu chantes. Il y a une fille qui t'a cassé le bras. Non. Non, ah, bon, j'essaye de je comprendre. Je sens des sons. Des sons, des filles. C'est fat. Les filles. Les filles. Casser le bras. Aïon. Casser le bras. Oui. À qui? Sans. À toi. Et sans vu. Moi j'ai petit sœur. Voilà. Ah t'as une petite ta petite sœur. Oui. Ah alors voilà. La petite sœur. Sa petite sœur elle t'a cassé le bras. Non c'est petit elle a cassé elle, tout. Elle s'est cassé le bras à elle je crois. Oui. Elle s'est cassé le bras. Oui. Puis alors elle a du plâtre là. Non. Une attelle ou alors un... Une écharpe. C'est quoi? Oui, une écharpe, comme a dit Marion. Oui. Ben dis donc, faudrait être gentil avec la petite sœur alors. Hein, hein? Pas lui faire mal plus qu'elle n'a mal déjà. Hein. Oui. Elle va faire quoi, Marion? Quand elle va faire du jeu, elle va crier, elle va faire « Allez, on va mettre... » Bon, Christopher, oui. Je suis désolé pour toi, Zedine. Moi aussi. Bah oui. Bon alors, on repart sur Noël là parce qu'on s'est un peu égaré. Hein? Oui. Alors après, vous aviez voulu parler de quoi? De qu'est-ce qu'on aurait comme cadeau? Ah, vous savez déjà? Non, moi j'ai commandé. Ah. C'est quoi? Donc c'est ce que vous aimeriez. Babu. Moi je sais déjà. Non, s'il vous plaît, pas tous en même temps. On va commencer aux techniques. Camille, qu'est-ce que tu as dit toi? Une chenille-fille. Une chenille-fille. Une chenille-fille. Oh. On va demander à Marc, tiens, qu'est-ce qu'il a demandé au Père Noël? Une fille. Je sais pas, c'est une surprise. Voilà. Moi, je suis d'accord avec Marc. C'est quoi? Christopher. Un jeu vidéo. Un jeu vidéo. Moi, sur la DS. Parce que tu as déjà la DS. Ouais. Ok, donc un jeu vidéo. Timothée. Tu enlèves ton casque, Timothée. Voilà. Allez, raconte-nous. Je mets là. Voilà. Raconte-nous. Je vais avoir des toupies Beyblade Burst. En fait, c'est des toupies, il faut lancer, puis on peut faire des combats avec. Donc, il en faut plusieurs. Et puis, attends, C'est Timothée. Moi, je connais pas trop ça, les toupies. Alors, c'est... Non. Timothée, la toupie. Tu la lances, et puis elle... Ah non part... Elle... Il y a pas ça. Elle tourne. Elle tourne. Ah oui, c'est tout. Voilà, donc ça veut dire que tu en mets plusieurs par terre. Et puis, c'est la dernière qui tient debout, qui gagne. Non, c'est un stadium. On a un stadium gros comme ça. Ah, un plateau alors. Ouais. Oui. Tu les mets sur le plateau. Et puis la dernière qui reste debout, c'est celle qui a gagné. Oui. C'est gagné 6 points la gala bébé. Marion, six tu points. Joues aux toupies Avec mes neveux, oui. C'est 1, 2, 3 hyper vitesse, c'est ça? Marion, elle est branchée, hein. Elle est un peu plus jeune que moi, elle est dans le coup, hein. Hein, moi, je suis plus trop à la page, hein. Et tu as autre chose, Timothée? Ou est-ce que ça suffira? Bah, ça suffira. Ouais. Alors, Steven, qui est à côté de moi, vas-y voir. Dans mon truc à fumer, tu vois, le... Un appareil qui fait de la fumée. Oui. Hein? Alors tu vas le mettre où? Dans ta chambre. Donc tu vas faire de la fumée dans ta chambre. Ouais. Ok. Bah, on va appeler les pompiers plus d'une fois, là, alors. Hein? Est-ce que tu as un détecteur de fumée dans ta chambre? Non. Non. Parce que les trucs qui font de la fumée, là, ça risque de mettre en route les détecteurs de fumée. Hein? T'as dit que c'est un appareil qui fait de la fumée et de la lumière. Ah non, de la fumée et de la lumière, c'est une lumière de fête, en fait. Oui, oui. Ouais. Donc, le but, c'est quoi? C'est faire un peu la boîte de nuit dans ta chambre? Oui. Oui. Je dis, vous inviterez chez toi, Steven, faire une fête. Ouais. Donc, doucement avec la fumée, puis je pense que ça doit être un peu toxique, non? Oui, ben oui, hein. C'est pas trop bon quand on respire. Hein? Oui. Mais bon, toi, c'est ce que tu as commandé. Hein? Oui. Ok. Eh ben, on continue. Bah, tiens, Marion. Écoute, Marion. Prends le micro, Marion. Alors, moi, j'ai un petit peu de chance parce que le Père Noël est venu en avance. Ah. Je suis jeune, moi, maintenant. S'il vous plaît, on écoute. Vas-y. Je suis partie un week-end à Disneyland Paris. Disneyland. Ouais, donc moi, j'ai un peu de chance. J'ai mon cadeau en avance. Oui, tu l'auras plus tant que nous. Bon, on verra, peut-être que j'en aurai d'autres. Hein. Qui sait? Bon, c'est un beau cadeau. Un week-end à Disneyland. Oh non. Tu aimerais pas partir à Disneyland, toi, Zinedine? Si. Moi aussi. Si. Je veux aller aussi à Disneyland. Ouais, des fois, grave moi. Ben, beau cadeau pour Marion. Alors, Zinedine. Vas-y, raconte, qu'est-ce que tu as demandé, toi? Baby! Tu approches le micro, s'il te plaît, voilà. Baby! Comme Timothée. Oui, des gens. Des toupies. Oui, moi, il y en a un, moi. Tu en as déjà une? Oui. Ah, alors, t'en as demandé combien? Un. Une? Oh, non, t'es pas exigeant, hein, quand même. Quoi? Bah, une toupie, ça va, je trouve. Le Père Noël, il va s'y retrouver, là. Non, il n'y a pas. Oh, ça coûte cher, ça coûte combien, Marion, les toupies, là? C'est quand même, ça vaut son prix. Hein. C'est les 10 euros à peu près, je crois. C'est une toupie, quoi. Non. Oh, le Père Noël va pas être ruiné. Et dis donc, chaud. Pour une toupie. Ouais, c'est un gros pack de toupies. Ça, ouais, le Père Noël, il a plein de sous. Hein. Il a plein de sous. Mmh. Ah oui, tu crois qu'il a plein de sous, toi? Non. Bien. Non. Ah, alors Zinedine, il dit non. Ouais. Alors attends. Timothée. Comment tu sais qu'il a plein de sous? Vas-y, raconte-nous. Il peut acheter des trucs ou il peut fabriquer des jouets. Il fabrique et il achète. C'est ça? Non. Je dis où il peut fabriquer des jouets. Soit il fabrique, soit il achète. Non, il achète. Ah, alors, Zinedine. Ouais, dites. On n'est pas d'accord. Vas-y, qu'est-ce que tu dis, toi? Il achète ça. Le Père Noël, il achète pas? Tu les fabriques? Ah, il les fait! Oui! C'est lui qui fait les toupies? Non, c'est pas lui, c'est les lutins qui font ça. C'est les lutins. Oui! Comment dans les films de Noël? Et toi, oui, les cadeaux. Je dois aller travailler, je t'en. Alors, donc, le Père Noël, attendez, le Père Noël, il fabrique les toupies, hein, ou les lutins, comme disait Christopher. Oui. Bah alors, est-ce qu'il fabrique aussi les appareils à fumer? Ce que Steven, il veut. Non. Mais c'est sûr. Non. Le Leclerc, il va acheter. Ah, le Père Noël, il va à Leclerc. Corinne. Quand à cette heure-ci, là, on peut le voir, à l'acheter à Leclerc. Non, la nuit. À la nuit. Guénie. Il va voler à Leclerc. Non. Non, non, non. Pas tous avec moi. Mais non, venons, j'ai. Je l'ai vu dans le magasin d'Épinal. Il est gros que son truc. Ah, voilà. Alors, d'après Christopher, le Père Noël, il va voler la nuit. Non. Il a besoin. Non, non, non. Non, non, non. Mais non, non, venons. C'est rat. Rat, ça. Oh, c'est qui, ça? Lutin. Un diable. Rat, oui. Rat. Les rats. Ah, bah, heureusement que Mario t'a soufflé. Oui. Répétoire. Rat. Les reines. Oui. Des vins. C'est les reines qui apportent. Non, bah vas-y, je l'ai dit, j'ai pas. Il y a vent! Il vole! Ah, il vole! Vent, oui! Ah, oui! Des cadeaux de Jésus! Et ils ont les cadeaux! Oui! Bah oui! Veux-tu comment ils voient? Veux-tu comment le Père Noël donne des cadeaux? Ils sont obligés d'avoir un. Enfin, il prend la voiture! Bah oui, il peut pas tout porter, hein! Hein, non. C'est sûr, hein! Oui! Grâce à! Les cadeaux, c'est évident, ils volent! Il va voler. Il va voler, non. Père Noël. Oui. Hein. Si, attendez. Il va voler. Il paye. Non, il paye. Ah, il paye. Tu sais. Il va la nuit, il donne l'argent discrètement, il met sur la caisse, après il s'en va les cadeaux. Ouais. Ah, bah, alors, ça, c'est un peu mieux. Hein, il va peut-être se servir, mais en même temps, il paye. Donc, ça va. Il n'a voyant. Carte bleue. Il n'a voyant. Il boit une popo où, il peut, où on ne peut pas le voir. Non. Popo. C'est quoi, ça? Oh, c'est invisible. Ah, une potion. Ou sinon, c'est pour une. Oh là là, notre attention. Attendez. Et attendez. Ça lui donne un pouvoir magique qui peut s'envoler avec les rennes. Alors Steven, il pense que le bois. Le Père Noël boit une potion, comme ça on le voit pas. Moi je dis qu'il va la nuit dans les magasins. Non. Quand il vient dans les magasins, il boit pas une popo, c'est pour qu'on le voie. Non. Ah. Corinne. Il les fabrique. Non. Moi je dis que. Quoi? Vas-y, Christopher. Moi, j'ai la nuit qu'il va dans le magasin. Tu sais, il paye, il a pris son vent. Oui, bah, tu l'as déjà dit, ça, Christopher. C'est non volant. Mais dis pas qu'il y a une potion qui soit un. Ouais, des non volants, j'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, magie. Il est dans le ciel. C'est ça que tu dis? Oui, des magies. Il vole dans le ciel. Oui, des magies. Il fait de la magie. Oui, il est caché. Il est caché. Oui. Attends, c'est une éline. Petit, il est caché. Petit. Oui, des cadeaux. Voilà. Mignon. Juliana. À mon avis, c'est peut-être les lutins qui le font, les jouets. C'est dur de faire des jouets, hein. Ah, les lutins, ça sert à quoi? Après, ils sont pas bons, à mon avis. Ça sert à quoi, les lutins? Ils font les jouets. Ouais. Mais c'est bien dur de faire les jouets, hein. Bah là, ils sont en train de commencer, hein. Depuis début... Depuis des 5000, ils sont en train de faire les jouets. Et par là, lui, il mange des cookies. Il mange des cookies. Il boit du lait. Ah, et donc, oui. Christopher quand... est dans les traditions. C'est vrai, hein. C'est vrai. Quand le Père Noël y passe le réveillon, eh ben, tu dois déposer un biscuit, un gâteau et puis un verre de lait. Et puis lui, tu verras, comme ça, il boira. Ouais. Bah oui, il a soif, il a faim avec tout ce qu'il fait. Il a caché. Il y a aussi un gros bidon. Il a grossi. Hein. Attendez, on s'écoute. Oui. Comme un gros, il servait un verre de lait. Parle dans le micro. Il servait un verre de lait avec un gâteau, avec une assiette, et il a piqué l'assiette. Oh. Ah ouais, non, on dit pas piqué déjà. Il a pris. A pris. Eh, t'avais fait ça une fois que je t'ai dit, t'avais fait ça, t'avais mis une assiette, un verre de lait, il avait déjà pris l'assiette aussi, le verre. Ouais, c'est côté, tu voulais dire quelque chose, vas-y. Oui. En fait, c'est très bien Steven, parce que Steven il m'a dit ça au self que le Père Noël il avait des potions. Ouais. Oui. Ah. Moi la potion là. C'est le pouvoir du Père Noël. Moi, et toi Camille, est-ce que tu penses qu'il a des potions magiques? Oui, il est magique. Non, c'est Camille. Bah oui ou non? Non. Okay. Et Marion, est-ce que tu penses qu'il a des potions magiques, le Père Noël? Moi, je pense qu'il en a plein. C'est ça, la magie de Noël. Ouais. Moi, je dirais qu'il... Tu dirais quoi? Qu'il y a un petit, des messieurs qui travaillent pour lui, il demande aussi d'acheter des cadeaux et après, il ramène. C'est qui, les messieurs qui travaillent pour lui? Je sais pas, des jouets, tout ça, dans les usines. Ah, dans les usines. Ah non. Oui, alors lui, il fait ses commandes dans les usines. Non. Ça va plus vite comme ça. Non. Ah, alors Zinedine n'est pas d'accord. Ouais. Ça pétait. C'est les petits. C'est que... Quel petit? Ah oui, toi. Les lutins. Oui. Des cravateurs. Donc, c'est les lutins qui font les jouets, c'est ça? Oui. Moi, je pensais qu'ils commandaient dans les magasins, dans les usines, quoi, ils... Oui. Un coup, le Père Noël, je crois qu'il avait oublié de boire sa pour que je guettais par la fenêtre, je l'ai vu passer par la véranda. Ah, tu l'as vu, toi? Ouais, et avec le créneau. Alors, je sais pas, en fait, c'était... J'ai vu des feux, j'ai vu le créneau. Je crois qu'il avait oublié de boire sa pour je sais pas, en fait. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vu à la télé? Qui repartait... Non, bah, à la télé. Qui repartait de chez vous. Non, moi, j'ai jamais vu Père Noël. Il m'a dit coucou, il m'a dit... Et toi, Timothée, est-ce que tu l'as déjà vu partir de chez toi? Non. Et Camille? Non. Et Marion? Non plus. Tu l'as jamais surpris? Le caché, il se cache bien. C'est oui. Qu'il est futé, le Père Noël. Ah, bah il est futé, bah peut-être oui. Ils hein. sont deux, peut-être. Ça, malin. Ah, toi, tu crois qu'ils sont en groupe? Deux. Non. Deux Père Noël. Non, oui. il faut non, pas. Non. Toi, tu penses qu'il est tout seul? Ouais. On dirait qu'ils sont deux. Oui. Le jour qu'il donne des cadeaux, il faut être veillé dehors pour voir le Père Noël. Ah, oui. Avec Corée, ouais. Moi, je suis sûr qu'ils sont deux. Un qui fait l'autre tour du monde et l'autre, il fait l'autre tour du monde. Ouh. Ah, tu penses qu'ils se répartissent. Les tournées. Non, ouais. Non. Bah après, Christopher, ce qu'il dit là, comment le Père Noël est fait pour être partout à la fois? Il a tonnerre, il y a ses rênes. Oui. Oui, mais par exemple, s'il est à Saint-Étienne là, comment il fait pour être à Rahon-Bois en même temps? Bah il faut deux traîneaux. Ah, donc il a plusieurs traîneaux. Il a deux Père Noël. Non. Non. Si, ils ont deux Père Noël, tu veux qu'on les fasse que par exemple à Paris là, pour... Bon, attends, Zinedine. C'est qui Timothée, vas-y voir. Ou le Père Noël, il a une potion invisible. On va pas la potion est invisible. Non, pour rentrer dans la maison, poser les cadeaux. Et puis à rentrer dans la cheminée et puis à aller partir. Et tu n'as pas de souvenir de ce moment? Oui. Il a la Mère Noël. Il passe par la porte. C'est la porte fermée à clé. Non. Bon, écoutez, Timothée. Timothée, oui, bon, il passe par où il peut. Hein. Quel est? Non. Quoi, c'est normal. On va faire la première pause. Alors là, pour cette pause-là. C'est-à-dire Zinedine y recule sur son siège, Timothée recule et Christopher aussi, parce que c'est Juliana et Steven qui chantent. Alors je vous demanderai de ne pas crier dans le micro. Marc, je pense qu'on peut mettre en direct, voilà. On vous entendra, mais surtout on ne crie pas. Et votre chanson, c'était Petit Papa Noël. Voilà, alors vous avez la musique en fond, d'accord? Et... Et les autres ont sauté. C'est bon. Et les yeux levés vers le ciel à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets familiers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté. Tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo. Et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Et quand tu seras sur ton dos nuage, viens d'abord sur notre maison. Mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Eh bien, bravo, Juliana et Steven. C'était une réussite, hein ? Oui. Très bien. C'est bien, parce que les prochains qui vont chanter, là, c'est ça les, CD. Ça ah, les mettait un petit peu... C'est non, CD. Non, non, ah. Ça, là, c'était le CD à Camille. Toi, c'est la dernière, ton CD. Alors, donc, on a fait le tour des... Cadeau. Commande, hein. Parce que entre ce qu'on aimerait et ce qu'on reçoit, des fois, c'est pas tous les jours possible. Oui. Oui, toi, t'as commandé quelque chose, ce sera ça. Des toupies. Peut-être t'auras des billes. Faut attention. Voilà. Alors, on continue. Le sujet suivant, c'était... Ah, je sais. Oui, manger. On va manger quoi de chez nous? Ah oui, vous avez fait votre menu? Oui. Oui? Marion, tu as fait ton menu? Bien sûr. Alors Marion va nous annoncer le premier menu de Noël chez Marion. Alors, on écoute Marion. Vas-y. Alors, nous, on va commencer par les toasts. Foie gras, saumon. À cette heure-ci, ça doit être ça. Ah ouais, Marion, on me donne pas envie de manger chez toi. Avec des crevettes. Des escargots. Ah, c'est pas bon, ça. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Après, on va manger un chapon. Donc, c'est une grosse dinde. Un peu comme c'est ça. C'est un poulet castré. T'as pas une photo? Un poulet castré. Pour vous montrer c'est quoi? Je te montrerai à l'IM. Attends Marc, je vais vous montrer. C'est un gros poulet. Un gros coq quoi. Je vais montrer un peu, demander à Marc c'est quoi. Bah vas-y, demande à Marc. Je vais te montrer une photo Marc. Non mais Marc il va te dire c'est quoi. C'est... Non non mais c'est bon, c'est un poulet castré, c'est un poulet qui a grossi. C'est pas castré? Si, voilà, oui. C'est pour pas qu'il fasse de bébé. Voilà, t'es content, Christopher? Ok, c'est un gros poulet, alors. T'as pas du pain, Marie? Avec des pommes de terre. Et en dessert, des bûches. Oh. Ah, donne pas envie d'acheter des bûches à cette heure-ci. Oh là, la bûche. J'ai faim. Maintenant, j'ai faim. Moi aussi, j'ai faim. Alors, on va... C'est bon? Oui. La bûche, Marion, ça me fait rêver. Ah, la bûche, c'est le meilleur. Oui. C'est le meilleur du dessert. C'est de beau, l'enfer. Ça. Ah, tiens, on va passer au menu de Zinedine. Ouais. Et on écoute Zinedine, Christopher. Poulet. Avance le micro, Zinedine. Poulet. Poulet. Coucou. du coca. Alors ça, c'est important, le coca. Coca. Tata. Fille. Des frites. Oh là là, bah, alors ça, les frites. Là. Comme Maddo. Et babo. Hamburger. Moi. Hamburger après poulet frites. Elle mangeait le gros six. Hey, c'est plus gros. Christophe. Il est bout. Il est où, c'est un gargot. Tu manges des escargots? Oh non, non, non, non, non, non, j'ai petit maman, il est où, c'est un gargot, maman. Maman? Oui, il est où, c'est un gargot, il dit. Elle aime bien les escargots. Ouais. Oh, bah, elle a le droit, hein. Ouais. Non, non, Zinedine, Zinedine. Toi, tu n'aimes pas, mais d'autres ont le droit d'aimer. C'est malin, moi. Toi, tu serais malade. Oui. Les escargots, ça rend malade. Oui. Ouais, ça rend malade, les escargots. Pourquoi ça rendrait malade? Si t'en manges plein, dis, si t'en manges 20. Oui, mais est-ce que c'est l'escargot qui rend malade? Non, si tu le mets dehors ou si tu... Si tu le mets dehors. L'escargot? Non, c'est devant la fenêtre. Attends, attends, mon escargot, maman. Pile mon escargot, maman. Attends, attends, c'est bizarre. Ça vaut maman, bizarre. Qu'est-ce qui peut rendre malade en mangeant les escargots? J'ai périmé. Oui. Ça n'a pas la date d'arrière. Non. Si on en mange plein. Oui, mais justement, Juliana, tu dis si on en mange plein. Ben, qu'est-ce qui compose l'escargot là? Le jus. Il y a la bête et puis il y a quoi? Le jus. Voilà, le jus c'est quoi? Du pipi. Non, la bave. Du sang. Bah non. La bave. Oh. Le cerveau. Le cerveau. Quels sont ceux ici qui mangent des escargots? Monsieur Marion. Alors on va demander à Marion qu'est-ce qu'il y a dans les escargots parce que vous ne savez pas. C'est quoi? Vas-y Marion. Alors dans l'escargot, donc l'escargot, la bête est dans la coquille et dans la coquille on met du beurre. J'ai déjà goûté du beurre d'escargot. C'est du beurre. Mais le beurre d'escargot c'est très bon. Il y a de l'ail, il y a du persil, il y a un petit peu d'échalote. J'ai déjà goûté, c'est bon. Hein. Voilà. Zinedine. Donc quand Juliana elle dit. Si on en mange beaucoup, ça peut rendre malade, c'est vrai. Parce que beurre. Du beurre en grande quantité, non. Réponse, c'est du poids aussi. Ah, aussi, oui. Mmh. Mais rien, fait gaffe. On ira faire du sport. Ah, j'aime pas voir. T'as été malade, elle, les escargots? Non, parce que je suis raisonnable, j'en mange pas énormément. Mais c'est comme toi, si tu manges trop d'hamburgers. Je mange pas là en ce moment. Si tu manges trop d'hamburgers, trop de frites, c'est un tout. Il y a trop de choses dans alors, le monde. Alors, vas-y. Zinedine, est-ce que tu avais fini? Tu as dit poulet, coca, frites. Ouais. Oui, vas-y, dis. Un gâteau. Gâteau, voilà, tu l'avais dit, c'est bien. Attends, attends. Coucou. Coucou. Coca. Non. Mais ça te l'a déjà dit. Non. Non, non, non, non. Jus d'orange. Ouais. Du jus d'orange après le coca. Oui. Pour faire un mélange de boissons, quoi. Bon, ben ça, c'est le menu à Zinedine. Attends, attends. Il faut pas inventer non plus. Attends. Oui, à mon avis, tu cherches à en rajouter. Ah oui, c'est quoi? Oui. Tartiflette. Oh Christopher, laisse-le parler. C'est coco. Quoi? C'est quoi que tu montres avec tes doigts, là? Des crêpes. Oui. Des crêpes. C'est ça? Oui, des tartines. Des tartines. Un Nutella. Oui! Noël spécifique, toi. Eh, la confiture. Non! On arrête. Un coup de tartine. On laisse la parole à Juliana. Moi. Qu'est-ce que t'avais dit, Juliana? Mon plat préféré. C'est quoi? Non, ton menu de Noël. Oui. C'est quoi? Tu te rappelles plus ce que tu nous as dit? Non. Tu as dit coquille Saint-Jacques. Oui. Crevette. Oui. Escargot. Oui, ça c'est pour ma maman. Et riz poulet. Oui. Et bûche. Oui. Tu te rappelais plus? Non. Ah, c'est bien noté, tu vois. Hein. Attends, j'ai mis ça gogo aussi. Camille, qu'est-ce qu'elle nous avait dit, Camille? T'as dit que t'étais où? Dit. C'est deux mots, hein. C'est facile. T'as dit que tu savais pas ce que tu allais manger parce que tu étais où? Tu te rappelles le mot? Oui. Camille? Chez? Chez maman. Maman. Ah, et oh. Voilà, donc c'est sûr, si tu es invité, tu ne sais pas encore ce que tu vas manger. Hein. Ah oui, c'est quoi, machin? Après, il y avait Christopher. Les raclettes. Tu as mangé tes raclettes, Marion? Non, non, moi je ne pourrais pas. C'est pas ça que tu as dit. Hein. J'avais dit une raclette? Non, tu n'as pas dit ça. Tu avais dit quoi? Salade, poulet, petit pois, bûche. Bien. C'est ça, tu as dit. Quoi? C'est bon. Et Timothée, tu as dit quoi? Fusée. Je sais plus. Frites, poulet, glace en pot. C'est ça que tu as dit? Comme j'ai dit. Digne. Et Steven? Là, moi. J'irai au restaurant, non? Non, ça c'est Nouvel An. Oui. Mais Noël? Je sais pas. T'as dit frites, fondue savoyarde, bûche. C'est quoi le fondue savoyarde? Je t'écoute là. Mais en vrai, c'était pas ça. Ah bah en vrai, moi je sais pas. Là, c'est ce que tu m'as dit. Alors, tu sais en vrai? Oui. Ah bah alors, vas-y. Ah non, je sais pas, mais c'était pour présent. Disons que dans l'idéal, c'est ce que tu aimerais. Ouais. Voilà, ok. Bon, on a fait le tour des menus, là. Et Corinne? Alors, ça tourne beaucoup des frites poulet, hein. On a déjà deux, là, frites poulet. Bon, après, c'est pas mauvais, frites poulet, c'est bon. Ouais. Ah ouais, t'as moutarde. Oh, ouais. Non, puis des fois, il n'y a rien de mieux que les choses simples. Frites avec du ketchup. On se trompe pas. Non, mayonnaise et les deux mélangettes. Qu'est-ce que c'est pas la mayonnaise? Tu mélanges le ketchup avec la mayonnaise. Ça fait sauce italienne. Oui. Ça moi fait aussi, sauce fait. Italienne. Ouais, tout le monde a déjà fait ça. Bah, bon, moi, dans les pâtes, je... jamais fait. Ça jamais fait. C'est facile. Ouais. Tu mets ta mayonnaise. Tu bah oui, ça. C'est facile. C'est et tu mélanges avec ta fourchette. Corine. Ah oui. Et tu prends les frites après. J'ai trouvé un. Dans les pâtes, je mets du beurre d'escargot et de la mayonnaise. Du beurre d'escargot et de la mayonnaise. Bon, allez, top. C'est bon. Alors maintenant, on redevient un peu sérieux. Et le deuxième chant, c'était Zinedine et Camille. Et la chanson, c'était Mon beau sapin. Alors Zinedine, tu t'approches du micro, tu es censé chanter avec Camille. Zinedine, tu laisses le micro. Tu es bien assis, Zinedine? Oui. Avance ta chaise. Voilà. Donc c'est Zinedine et Camille avec Mon beau sapin. Quand l'hiver Eh bien, en plus, tu t'es tenue jusque la fin à chanter. C'est bien, Zinedine ? Oui. T'aimes bien la musique ? Oui. Tu aimes bien le chant ? Oui. Ouais, ouais. Mais Corinne, on dirait que ce sont d'église, ça, la musique-là. Pourquoi tu dis ça ? Parce que j'entends un piano. Piano ? Alors, quand il y a du piano, c'est chanson d'église ? Non, mais j'ai entendu les raisonnements de la musique. Le raisonnement de la musique. Ouais. C'était une église, j'en fais. Et t'as un orgue. Ouais, un orgue. Ouais. Bon, ça, le principal, c'est que Camille et Zinedine aient bien chanté. Et après, c'est qui chante Bah après, normalement, non. La dernière, Vive le vent, il y en a qui se sentaient à chanter. Oui, moi. Moi. Bah ceux qui se sentent, ils pourront. Oui. Moi, je peux chanter. Si c'est pour marmonner, je sais pas quoi, Christopher, c'est même pas la peine. Moi, je peux chanter, je la connais par cœur, celle-là. Eh ben, écoutez, ceux qui connaissent la chanson, ils pourront la chanter aussi en direct. D'accord. Corinne. Oui. On a prévu. On a prévu avec Christopher et moi comme choix de nous. Comme choix de nous. Ils sont là ? Non. De qu'est-ce que tu me parles, Timothée ? Laisse-le parler, Christopher. Qu'est-ce que tu dis, Timothée ? Vas-y, explique-toi. En fait, j'ai écrit le mot de Christopher et moi. Quel mot ? Oui. Ah, bah, moi, je suis pas au courant. Alors, oui, c'est un nom de scène qu'a dit Marion, c'est ça ? Oui. Oui, alors, c'est quoi le nom de scène ? Moi, j'ai pas entendu parler de nom de scène, moi. C'est-à-dire c'est où ? Christo Timo. Christo Timo, mais c'est sympa. Ouais, oui. Mais sauf qu'il me même pas parlé de ce nom. Et alors, vous comptez vous produire où ? De quoi ? Bah, tu dis votre nom de scène, parce que vous avez des spectacles en vue, tous les deux. Mais j'ai jamais parlé de ça, moi. Mais t'es sûr, c'est rien qui suffit qu'à voter. Timothée. Non, pour faire des chansons. Ah, tu aimerais faire un duo avec Christopher ? Oui. Alors, est-ce que tu as des idées pour faire avec Christopher des duos ? Sur quelle chanson tu aimerais chanter avec Christopher ? Des duos de rock. Oh ! De rock ! Oh ! Alors, toi, tu es rock, Timothée, mais je sais pas si Christopher est si rock que ça. Hein? Une belle chanson de Kinsey ou n'importe. Ah, ça, c'est pas rock. Hein. Qu'est-ce que tu connais, toi, comme chanson de rock, Timothée ? Matt Basta. C'est pas une chanson de rock, ça. Ah oui. Une vraie chanson de rock, ça, avec des guitares électriques. Tu peux demander à Marc qui mettait ça sur le rock. Ouais. Qu'est-ce que tu as déjà apporté à la radio comme titre qui était rock, Timothée ? Mais je n'ai pas apporté à la musique de rock. Non, mais que tu as choisi. Voilà, je me suis mal exprimée. Que tu as choisi et qui était rock. C'est plus. Buffy contre les vampires, c'est pas une chanson rock, ça. Non. Téléphone, tu te rappelles téléphone ? Téléphone. Téléphone ? Oui, non, le groupe téléphone. Ah. T'as déjà choisi ça ? Oui. Oui, ben ça c'est rock. Alors, est-ce que tu crois que Christopher connaît téléphone ? Ah, téléphone ? Je pense que Christopher, il va te dire que c'est... Les chansons de vieux. Tu vois ? Là, vous êtes passé à la radio. Bah écoutez, je sais pas, hein, vous communiquerez ensemble pour réviser, apprendre les chansons, et puis à l'occasion. Et c'est lui qui veut faire un groupe, c'est pas moi, c'est rien. Vous nous ferez un petit duo en direct à la radio. Non. Christo, Timo. Christo Timo, hein, c'est ça? Christo Dino. Le nom, il est bizarre, le nom. Ben, vous savez, on en reparlera à la rentrée. Moi, je note, hein. Christo Timo. Mais c'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Le duo. Non, Corinne, sérieux. Corinne. Bah, si, écoute, vous en parlerez ensemble. Christopher et Timothée. Oui, voilà. Vous n'avez pas eu idée des groupes de groupe, c'est lui qui a eu une idée groupe. Mm. Vous n'avez même pas au courant qu'il veut faire un groupe. Donc, alors, là, vous voyez, il est déjà 51 en plus, hein, ça passe trop vite. Hein. Donc, la semaine prochaine, on a dit qu'on ne venait pas. Et puis, après, c'est les vacances. Hein. Oui. Les vacances de Noël. Oui. Mardi, le 25. Comment? Le 25, on est en vacances. Corée. Non, parce que le 25, c'est quoi le 25? Noël. Voilà, alors on va peut-être te mettre en vacances un peu avant, tout le temps de préparer. On aura le temps de chanter la chanson Vive le vent. Oui, donc on reviendra. Vive le vent. Oui, on reviendra à la radio le 9 janvier. Ah, janvier. Vous rendez compte, c'est pas tout près, hein. Oui. 9 janvier. C'est dans 3 semaines, ça. Oui, ouais. Vous aurez plein de petites étoiles dans les yeux avec tous les cadeaux que vous aurez reçus. Après, c'est de Noël qu'on a fait. Il y en a qui auront pris un ou deux kilos pendant les vacances. Moi, je dirais plus Marie. Le micro, il est tourné, c'est une idée. Ah, ta grosse dingue qu'elle va manger. Ah, elle va me revenir à la TV, comme ça. T'inquiète pas, on fera une séance sport, toi et moi, Christopher. Non. Non, c'est pour la fenêtre. C'est sûr que c'est pas avec tes petits bras que tu vas grossir, toi, hein. Moi, je danse comme un fou, moi, c'est une danse. Hein. C'est bon, on va faire, s'il vous plaît, on va faire le dernier titre quand même, hein, Vive le vent. Donc, ceux qui chantent, ils chantent doucement, c'est pas la peine de crier moi, dans les micros. Hein. Comme tout à l'heure. Voilà, oui. D'accord, donc vive le vent, merci Marc. Alors, vive le vent. C'est fini. Hein? Bah oui, c'est fini. Ça n'a pas passé long. Bah non, mais c'était ça, hein, Marc. Bah oui. Hein. Ah, c'était pas long. Corinne. Bah non, oui. Ça ferait trop si vive le vent, moi, j'ai dit. Et Corinne. Allez, on t'arrête pas, Marion, avec son casque. Non. C'est ça qu'elle veut jeter le casque par la fenêtre. On ne peut pas régler le son dans le casque, quand on nous entend comme ça. Bah oui. Bon, bah écoutez, c'était une bonne petite émission de Noël quand même. Ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu avec Marc. Corinne, on pourra la remettre dans la voiture. Oui. Parce que vous aimeriez vous réécouter. Non, la chanson Vive le vent. Hein. Ah, Vive le vent. Mais moi, c'est pas mettre la clé. Oui. Vous allez pouvoir les réécouter, les émissions, là, pendant les vacances, vous aurez le temps. Non, moi. Ouais, oui, Timothée, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai prévu de faire Vive le vent, un peu de rock. T'as une guitare chez toi, Timothée, enlève ton casque, merci. Tu as une guitare chez toi? Une guitare électrique. Oui, tu as une guitare électrique? Non. Non. Et Corinne, on va faire aussi, on va faire une grosse voix. Je vais faire Vive le vent. Bah, tu sais, les chants, c'est le but, c'est pas de faire peur aux gens, Christopher. Hein, de s'en faire. Qu'est-ce que t'en penses, Marion? Mais c'est pas le but, c'est pas de faire peur. Christopher, sur une autre planète, hein, souvent, hein. Hein? Alors, est-ce qu'on peut clôturer l'émission pour aujourd'hui? Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va souhaiter aux auditeurs? Bon, non. Pas tous en même temps. Chacun son tour. Joyeux Noël. Voilà, Timothée. Qu'est-ce que tu peux souhaiter aux auditeurs? Joyeux Noël. Et Steven? Un très beau joyeux Noël, moi. Oui. Mais un très très beau. Oui, non, mais c'est bon, Timothée, c'est passer bon. Passez des bonnes Noël. Passez des. Un bon Noël. Un bon Noël. Ok. Marion. Joyeuse fête. Zinedine, bonne nuit. Yolanda, bon. Oui, alors, qu'est-ce que tu veux dire aux auditeurs? Approche le micro, Zinedine. Yo-yo. Joyeux? Oui. Joyeux quoi? Yo-yo, tiens. No. Ouais. Non. Elle. Oui. Non, mais pas oui. C'est... Vas-y, répète. Joyeux. Dans le micro, Zinedine. Joyeux. Noël. Oui. Noël, voilà. Merci, Zinedine. Non, tu restes à ta place. Ah, tout le monde. Oui. Bon, Zocker Noël. Comment? Zocker Noël. Ah! T'avais rigolé. T'as oublié, Corinne. Ah, quelle blague. C'est une fois qu'on faisait des boîtes de Noël, là, que j'avais marqué Zocker Noël. Corinne, oui. T'as oublié bonne année et bonne santé. Ah bah, bonne année, on la souhaitera à la rentrée, hein. Camille, tu as quelque chose à dire? Non. Eh ben, Marion, on va te remercier d'être venue avec nous. Merci, Marion. Merci de m'avoir invité. Voilà, on va rendre l'antenne. Au revoir. Bonne Zocker et Noël. Souhaiter de bonnes fêtes à tout le monde et on se retrouve en janvier. Au revoir à tous. Au revoir. Mon cadeau. C'est la tête. Cacahuète. La petite Noé ne veut plus parler. Cacahuète. La Mikao, ma Mikao. Cacahuète. La petite Ramel m'est infidèle. Monsieur Hannibal me mine le moral. Hannibal. Mamselle, son long me traite de con.